péché originel, laisse-moi prendre ton âme. Je suis le côté sombre, possédé par le diable. Et si mes yeux sont rouges, c'est à cause des flammes. Quand le jour se lèvera, on aura tout oublié. Je n'agis que la nuit pour stopper le sablier. Que l'enfer m'ouvre ses portes pour tout le mal que j'ai fait. Et j'aime le sang qui coule, je fais pas partie de l'humanité.